inside is a bird. Tonight, moi je crois qu'en duo à l'écran on serait mieux que d'avoir même une diamante. On voit que toi, moi et Javier, et c'est pas beau. Ça sert à rien de montrer. Tu devrais rester grand et pas te cacher tellement. Tu devrais dès maintenant te montrer ta tête aussi, et c'est marrant. Tu verras. Et si tu fais un effet comme dans Snap, chat. Tu pourrais te cacher et avoir une tête de chat. Si jamais t'essayais, tu pourrais faire plus de vues. Si jamais on te voyait te marrer, t'as vu ses bijoux en caleçon. Il a peur de rien, pas de rebut. Il a peur de pas faire du bon son. Il envoie le courant. Il envoie. On te voit plus du tout. On te voit plus. Ah, il faut couper le son que j'envoie depuis le stream de mon caméra. Non, c'est parce que t'as fait une capture d'écran qui est par là. Et sinon, il y a le undo dans OBS. Snapchat sur ta tête. Alors si ça te dérange pas, surtout monte ta tête. Mais ça te réjouit pas non plus, je comprends, genre. Je vais péter à bien un peu là. Ouais. Non, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais d'un autre côté, je crois que l'interaction humaine, c'est ça que tu cherches finalement, tu vois, dans cette société de solitude. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Par exemple, Ouais, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip b Thank you.